Chapitre 3e. Ainsi que le fait judicieusement observer Jules Leclerc, le sol du Mexique est découpé de telle façon qu'il rappelle, sur la carte, la forme d'une corne d'abondance, comme si la nature avait symbolisé l'opulence de ce territoire dont l'étendue, 1 945 000 km², est plus de 3 fois supérieure à la superficie de la France. Cette opulence absolue, de bon aloi, pourrait être proverbiale, et pourtant elle s'allie à une pauvreté devenue légendaire. Ces merveilleuses richesses sont à peine exploitées. L'or, l'argent, le plomb, le fer, le mercure, le soufre, sans compter les pierres précieuses, demeurent enfouies dans les entrailles de la terre. Les trois zones, torrides, tempérées, froides, qui là-bas se superposent, sont fertiles jusqu'à la profusion. La 1/10 partie des produits est à peine consommée par l'habitant. Le reste meurt sur place, faute de débouchés. Et c'est ainsi que le Mexique offre cette particularité paradoxale d'être à la fois un des pays les plus riches et les plus besogneux du monde. Cela tient à deux causes. Faiblesse de la population qui compte à peine 10 millions d'habitants et manque total, jusqu'à notre époque, de voies de communication. Aujourd'hui seulement, des voies ferrées, peu nombreuses d'ailleurs, sillonnent la République, relient entre eux les centres principaux, se soudent aux grandes lignes américaines et rayonnent jusqu'aux portes du golfe du Mexique. Mais les effets économiques de cette transformation n'ont pas encore eu le temps de se faire sentir, et c'est pourquoi au Mexique, non loin de la civilisation raffinée des grandes villes, on trouve encore d'immenses déserts où les Blancs n'osent pas s'aventurer. Parmi ces solitudes à la fois opulentes et mauvaises, il en est une à laquelle les conquérants espagnols ont donné le nom bizarre de Bolson, la Bourse, de Mapimi. À part un chemin de fer qui le coupe à la partie inférieure, l'endroit est resté tel depuis Fernand Cortés, c'est-à-dire depuis près de 4 siècles. Le Bolson de Mapimi est situé à la fois sur les deux provinces de Chinana et de Coahuila, en pleine terre tempérée du plateau central mexicain. Son altitude est d'environ 1100 mètres et il forme une dépression en cuvette où se trouvent d'énormes lagunes produites par l'accumulation des eaux pluviales. Sa longueur, du sud au nord, depuis le 25e parallèle nord jusqu'au Rio Bravo del Norte, est d'environ 600 km. La distance en ligne directe de Paris à Toulouse. Sa largeur, entre Jiménez et Mont Clovis, c'est-à-dire non loin du 104e et 108e de longitude ouest, est d'à peu près 400 km, la distance de Paris à Limoges. C'est un vrai désert, avec des sables où croisent des euphorbes et des cactus géants, des sierras éparses généralement orientées nord-ouest et sud-est, et des canyons basaltiques, des défilés, de l'aspect le plus sauvage, des rivières au bord desquelles surabondent, malgré l'altitude, la splendide flore tropicale, des criques charriant de l'or, d'énormes filons d'argent qui cheminent entre les sierras. Puis, un peu partout, des jaguars et des panthères, des cougars et des crotales, des ours et des vautours, des abeilles sauvages et des oiseaux-mouches, des caïmans et des perroquets, tous les insectes mauvais et pires qui supplient la race humaine, et enfin, l'Indien, le terrible peau rouge, à la sanglante renommée. Aguerri, intrépide et féroce, nourrissant pour les hommes de race blanche une haine séculaire, ces pirates de terre sont nombreux. Il y a d'abord la famille Apache, comprenant les Magallons, les Navajos, les Pharaons, les Jicarios, les Lépans et les Masquelieros. En tout, près de 15 000 individus habitant la région frontière commune aux États-Unis et au Mexique et ravageant indistinctement les deux territoires. Il y a ensuite les Comanches, au nombre de 5 000, ennemis à la fois des Blancs et des Apaches, le type accompli des Indiens bravos, terribles, par opposition aux Indiens mansos, paisibles, devenus sédentaires et s'adonnant aux travaux agricoles. Cependant, malgré les dangers mortels qu'il fait courir aux Blancs, le Bolson de Mapimi les attire invinciblement. C'est qu'en outre des richesses minières qu'il renferme, il a sa légende, qu'à traverser les siècles, son trésor fabuleux, son Eldorado dont le mirage enflamme tous les esprits et entraîne, de façon irrésistible, vers les solitudes farouches ceux qui l'a fasciné. Cette légende prétend que lors de la conquête espagnole, les rois aztèques ont caché dans des grottes inaccessibles des monceaux d'or et de pierreries soustraits à la rapacité des conquérants. Ces grottes sont situées dans une sierra lointaine et escarpée dont la place est inconnue et sur laquelle on ne possède aucune indication, même la plus vague. Il y a seulement une vieille chanson indienne, une complainte naïve, qui parle du roi d'or, de son trésor, et du nid de l'aigle situé au sommet de la Sierra de l'Or. Et depuis des siècles jusqu'à nos jours, c'est sur des données aussi enfantines que les aventuriers des deux mondes se sont rués à la conquête du désert. Bien défendu par ses Indiens, par ses fauves et ses solitudes, le Mapimi a jalousement gardé son trésor. Il a englouti les fortunes, dévoré les existences de ceux qui se sont acharnés à la poursuite du fantôme et à tant de nouvelles victimes. Mais il en fut aussi de plus sages qui résolument osèrent casser les ailes à la chimère. En explorant le désert, ils avaient reconnu la prodigieuse fécondité de certaines parties et songé combien plus il serait profitable d'utiliser leur vigueur à l'exploitation de ce sol généreux. Et d'emblée, la fortune leur sourit. C'est ainsi que 25 ans auparavant, un jeune homme, échappé à la tempête qui emporta l'empereur Maximilien, vint s'établir aux confins du Mapimi. En cherchant le trésor des rois aztèques, il avait remarqué au bord d'une rivière des quantités prodigieuses de coton sauvage. Et cela fut pour lui une véritable révélation. Si le précieux textile venait ainsi sans préparation ni soin d'aucune sorte, que serait-ce si une culture intelligente améliorait les terrains, sélectionnait les espèces et protégeait la plante depuis sa naissance jusqu'à la récolte? Il songea que c'était folie de chercher en aveugle un trésor sans doute imaginaire, et résolut de consacrer sa jeunesse, son intelligence et ses capitaux à l'industrie du coton. Bien guéri de la fièvre de l'or, il s'installa sur le fond d'une vaste forêt bordant le désert et construisit une demeure qu'il nomma, et pour cause, la Hacienda del Refugio. Il appela des travailleurs indiens et métis qui accoururent en foule et groupèrent leurs cases autour de la Hacienda. Les premiers résultats furent magnifiques. Dès la seconde année, il fallut agrandir la plantation, s'étendre, appeler de nouveaux travailleurs, installer des machines, tant la production devenait exubérante. Et désormais, cette prospérité ne s'arrêta plus. La Hacienda devint un palais industriel, le primitif amas de cases, une cité à la fois ouvrière et agricole. Ce jeune homme qui devait fonder au Mexique la grande industrie cotonnière et devenir le premier producteur de la République s'appelait Blas Guerrero. Don Blas a aujourd'hui 45 ans. C'est un blanc de race pure, espagnol jusqu'au moelle, avec toutes les vertus, mais aussi tous les défauts de son origine. Bref, le type magnifique du Mexicain fastueux, chevaleresque, généreux, mais orgueilleux jusqu'à la démence du sang bleu qui coule sans mélange dans ses veines. Pour lui, tout homme de couleur ne compte pas. Un Indien, un nègre, un métis sont des êtres inférieurs tenant le milieu entre Don Blas et son cheval favori. Certes, il est très bon pour eux. Il les paye généreusement, les assiste quand ils sont malades, mais ses soins sont ceux d'un bon éleveur pour ses bêtes. Aussi lui ferait-on une mortelle et impardonnable injure si on amenait à sa table un de ces hommes de couleur qui, pour lui, ne sont que des bimanes. Ajoutez à cela qu'il n'a jamais manqué à sa parole ni proféré un mensonge et qu'il n'a jamais transigé avec le point d'honneur. Mais aussi, il est entêté contre toute raison, contre toute évidence, et d'un emportement sauvage qui le pousse aux pires violences. C'est, en fin de compte, un homme qui inspire le respect, mais éloigne la sympathie. Sa femme, Donna Laura, est sa digne compagne. De 10 ans plus jeune que lui, elle professe toutes ses idées et partage tous ses préjugés. Énergique comme doit l'être la femme du colon d'avant-garde, à la fois orgueilleuse et charitable, elle est foncièrement bonne. Mais de cette bonté hautaine qui creuse un abîme entre le maître qui l'exerce et l'inférieur qui en est l'objet. Leur fille unique est cette belle Juana qui a failli être victime de la cruelle vengeance ourdie par les révoltés. D'une culture intellectuelle absolument remarquable, passionnée pour l'étude, mûrie par l'isolement, elle a de bonne heure échappé aux préjugés de son père et de sa mère. C'est une âme indépendante et fière, une nature généreuse où l'amour follement idolâtre de ses parents n'a pu faire germer une parcelle d'orgueil. Une créature exquise de beauté, de dévouement et de bonté, qui répand autour d'elle des trésors de grâce et d'affection. Elle a 17 ans, l'âge du complet développement de ces admirables Mexicaines qui, comme leurs sœurs, les fleurs des tropiques, s'épanouissent de bonheur sous l'ardente caresse du grand soleil. On comprend dès lors qu'elle soit adorée de tous ceux qui l'approchent, et que le personnel très nombreux de la plantation manifeste pour elle une affection sans borne. Les Indiens Mansos et les Métis forment la majeure partie de ces travailleurs, environ un millier. Ce sont de braves gens, doux et simples, qui, pour un salaire dérisoire, accomplissent une besogne énorme. D'une endurance et d'une sobriété inouïe, ils n'ont qu'un seul défaut, c'est leur passion désordonnée pour les liqueurs fermentées. Passion terrible aussi qui peut à l'occasion les pousser aux pires excès. Sous l'influence de l'ivresse, le Peau-Rouge indompté, l'Indien Bravo, réveille en eux avec sa férocité, ses instincts sanguinaires et sa haine invétérée du blanc. Et c'est là-dessus qu'avaient compté les instigateurs de cette révolte qui menace la vie et la fortune de l'opulent Haciendero. Don Blas Guerrero connaît bien l'Indien en général, et son personnel en particulier. Il sait que rien ne peut arrêter ce fléau et que ce fléau est un péril mortel. Il fallait pourtant concilier ces deux propositions contraires, ou laisser boire les travailleurs, ou former la hacienda. Don Blas a pris un moyen terme, réglementer sagement et fermement le fléau. Chaque ouvrier reçoit par jour une ration suffisante de sa liqueur favorite. Tantôt c'est du pulque, tantôt c'est du charap, et tantôt du calouche, distribué tour à tour, sans compter le mezcal et l'aguardiente réservés pour les dimanches et les jours de fête. Tout homme convaincu d'ivresse s'est expulsé de la hacienda sur le champ, sans rémission et sans exception. Ces divers breuvages sont fabriqués sur place et serrés dans un entrepôt défendu comme une poudrière. Des portes massives enferment l'entrée. Des hommes armés le gardent en permanence. Et seuls peuvent y pénétrer les distributeurs sur la sobriété desquels le maître croit pouvoir compter. Et que l'on ne s'étonne pas de ce luxe de précaution. C'est là le plus grave danger qui menace la plantation. Danger permanent et mortel, sur l'imminence duquel nul parmi les Blancs ne se fait illusion. Que les magasins aux antiquités viennent à être forcés, aussitôt les ouvriers saisis par leur frénésie séculaire d'ivrogne se mettent à boire avec leur gloutonnerie bestiale. Rien au monde ne peut les empêcher. L'ivresse arrive, rapide, effroyable, et c'est l'incendie, le pillage, le massacre et la mort. Les commis aux écritures, les chefs d'atelier ou de culture, les contremaîtres et les mécaniciens, environ une quarantaine, sont tous des Blancs, sauf le mayoral ou directeur, cette Andrés, dont la haine féroce a déchaîné toutes ses passions et provoqué la catastrophe qui va ravager ce riant Éden de travailleurs. Pourquoi ? Nul ne le sait. Le maître semblait faire grand cas de son mayoral. Il avait même pour lui de ses égards qu'on ne l'avait jamais vu témoigner un homme de couleur. Andrés est un métis, en fonction depuis une année, actif, intelligent, on le dit apparenté aux premières familles du pays. Lui-même prétend être le neveu du président Juarez, un Indien comme l'on sait. Un jour, il y a de cela un mois, une dispute éclata entre les deux hommes. Elle fut terrible. Au milieu des éclats de voix et des injures échangées, on entendit Don Blas crier les mots de l'éparo, de sang mêlé, de peau rouge et Andrés de riposter. Oui, un de ces métis qui lance comme défi au monde civilisé la tête d'un empereur. Alors Don Blas, taillé en athlète, apparut, souffletant, cravachant, rouant de coups de pied le mayoral et le jetant dehors comme une bête immonde. Sur la porte de l'hacienda, Andrés, la face terreuse, de ce gris effrayant qu'est la pâleur des gens de couleur, s'arrêta. Il regarda froidement les cases, les hangars, les magasins, les bâtiments d'exploitation, le palais abritant les maîtres, et à perte de vue les champs de cotonniers. Puis il cracha et dit d'une voix étrangement calme « Je ferai ici le désert. Et toi, Don Blas, devenu un va-nu-pied comme moi, tu pleureras des larmes de sang. » On a vu comment, d'emblée, il faillit tenir parole, et combien il se fallut de peu que la fille unique de Don Blas demeura en son pouvoir. Donc, la révolte vient d'éclater comme un coup de tonnerre. Andrés, qui n'est pas allé bien loin, a travaillé sournoisement les ouvriers et leur a fait prêcher la rébellion par des émissaires. Il n'a pas été difficile d'exciter leur passion faite de convoitises, de paresse et de gloutonnerie. La nuit, des boissons fermentées ont été introduites en fraude. Les Indiens ont bu et ont voulu boire plus encore. C'est alors que, pour satisfaire cette passion maladive, on leur a fait espérer le pillage de l'entrepôt des liquides. Comme de grands enfants naïfs et mauvais, ils ont sauté sur cette idée qui, de jour en jour, s'est ancrée plus profondément dans leur cervelle. Oh, boire pendant des jours et des jours, boire des semaines entières, échapper au labeur quotidien, n'avoir plus aucun frein, briser cette défense dont la tyrannie pèse comme un roc sur les âmes et les estomacs, et enfin, éprouver cette joie perverse de tout démolir autour de soi-même et surtout le gagne-pain. Déjà, on ne sait plus aucun gré au maître des concessions faites. Bientôt, on lui en veut de n'avoir pas autorisé de temps à autre une copieuse orgie. D'heure en heure, le mécontentement grandit, chacun attend avec une dévorante impatience le signal de la ruée suprême. D'autre part, Andrés avait recruté une bande d'aventuriers, de ces déclassés qui errent sur la frontière en quête de proies faciles, d'orions à échanger, de choses à saccager. À ces pirates de terre, à ces gredins sans aveu, le maïoral a promis le pillage du coffre-fort. Mille diables d'enfer! Le coffre-fort de Don Blas est connu dans toute la région. On parle de lui comme on parle du trésor des anciens rois aztèques. Mais, du moins, on sait où il se trouve, et les valeurs énormes qu'il renferme sont de bon aloi. Et voici les gredins conquis d'emblée. Pendant que les Indiens saccageront tout, les Blancs enlèveront l'épargne de la sienne des héros archimillionnaires. Enfin, pour assurer la réussite de ce plan abominable, Andrés fait appel aux Mescalieros, les plus féroces peut-être parmi les tribus Apaches. Don Blas a jadis longuement et rudement bataillé contre eux. Finalement, il les a repoussés, mais ils ont conservé contre lui une haine indienne, c'est tout dire. Cela, rien ne pourra les arrêter. Il leur faudra le massacre de tous les Blancs, avec pour prélude ces tortures savantes et raffinées qui font de ces peaux rouges des bourreaux de génie. Enfin, tout est prêt. Andrés donne le signal. Sachant que Don Blas accompagne chaque matin sa fille à la promenade, il s'en va lui-même préparer le guet-apens qui doit les faire tomber en son pouvoir. Oh, les Sendero avaient quelques vagues soupçons. Il pressentait une de ces émeutes que l'on calme à coups de fouet. Mais dans son mépris souverain de la race indienne, il était loin de prévoir cette rébellion qui allait mettre en péril sa vie et sa fortune. Il resta donc et fit accompagner, comme l'on sait, sa fille à la promenade par trois péones. Alors qu'Andrés l'attend à l'embuscade, il est à la plantation pour recevoir le premier choc. Il entend des clameurs furieuses, il voit arriver par bandes armées ses ouvriers conduits par des sacripants et comprend que l'hacienda va être envahie. Homme de sang-froid et de résolution, il crie d'une voix retentissante « Aux armes ! Aux armes !» On sait le reste, jusqu'au moment où arrivent à bout de force la jeune fille et Jean de Fer, suivi de l'inconnu qui répond au nom bizarre de Joey Mousqueton.